Lourd. Ça, c'est un gros projet, mais à la fin. J'ai envie de dire une phrase. Ça vient du trou du cul de la France, c'est pour ça que ça pète. Ouais, voilà, j'avais envie de le dire. C'est tout. Lourd. Ouais, ouais. C'est un mec de Luxeuil qui a dit ça. J'ai il s'appelle Laco. C'est Laco Jab. De Dynamest, un groupe d'à côté de chez vous. Okay. Bref, ça c'était en aparté. Voilà. Mais tout seul, okay. On fait rien, franchement. C'est pour ça que je suis énormément content d'avoir un collectif qui soutient. C'était Lourd. Cette question aussi que je voulais te poser. Comment tu es passé de Maison Alfort et que t'as atterri ici, alors que la plupart des mecs d'ici, ce qu'ils veulent faire, c'est de monter à Paris. Tu vois ce que je veux dire dans le parcours artistique? Je vais t'expliquer, tu vois. Après, je vais parler un peu de moi, tout ça, mais vas-y, tranquille. Déjà, je fais un gros big up à ma mère, c'est à mes côtés et tout. Et en fait, moi, tu vois, j'ai quitté Paris parce que, si tu veux, ma maman, elle a eu un AVC, tout ça. Ok. Elle s'est retrouvée paralysée du côté gauche. Elle a perdu la parole et tout. Et vu que c'est moi le plus grand de mes frères et tout, tu vois, j'ai quitté Paris. Et puis mes grands-parents, au début, ils s'occupaient d'elle. Et du coup, vu qu'ils sont à la retraite et tout, c'est à moi de m'occuper de ma mère, tu vois. Donc, comme je t'ai dit, je travaillais dans une salle de sport, tout, j'étais bien. Mais j'ai arrêté et puis je suis venu ici. Ok. Et là, très ça bien. Fait 4 ans maintenant que je suis là. Yes. Bon, nous, tout ce qu'on souhaite, c'est que tes projets se réalisent et puis qu'il y en ait d'autres qui arrivent dans la foulée. Que vos projets. Oui, quand je dis tes projets, c'est... De toute façon, c'est tout le collectif. Moi, tu sais, quand je parle de moi, de toute façon, c'est le collectif. Ils le savent, tout le monde le sait. Hein. Ok. Donc, Atypique, Jeff Pro, WRC. C'est ça. Bien. Hein. Parce qu'il y en a, ils l'ont pas compris. Ils croient que tout seul, ils peuvent faire des choses. Mais crois-moi, tout seul, tu peux rien faire. Oui, tu peux faire, mais. Tu peux faire, mais. Ça grandit pas. Mais si ton son, il est pourri ou si il y a un truc qui va pas, il y a personne qui va te le dire, tu vois. Toi, tu vas croire que ton son, il est bien, alors que. Et il y a des directions, tout. C'est important d'écouter les gens. Là, il y a des gens qui te disent, wesh, c'est de la merde. C'est de la merde ce que t'as dit. Non. C'est nul à chier. Ce que je viens de dire là. Non, t'es là, t'as sorti ton. Enfin, t'as enregistré ton son, t'es là, tout en jaille tout seul, et puis un de tes mots qui dit c'est nul. Ah oui, il y a déjà des punchlines, des yaourts qui m'ont dit non, mais oui, j'étais un ouf. Okay. Et heureusement. Mais ils m'ont déjà fait faire des sons que j'aurais jamais fait par contre. Ah, ça c'est. Comme Sauver l'amour et d'autres. Celui-là, on va le retrouver, les gars. Celui-là, attention, un jour il va être diffusé, je vais vous taguer, tout ça, émission la 25e. Il y a quoi dans ta tablette là? Sauver l'amour. Tranquille. Mais... La tablette, elle va finir sous la table, gros. Ah, c'est des maquettes, les gars, c'est des maquettes. Même les sons que là on met, il y en a, c'est des maquettes. Oh, vas-y, balance. Ok. Eh ben, tiens, moi je vais te faire travailler un petit peu. T'écris sur quoi? T'écris sur tes textes? T'écris sur téléphone, t'écris sur... Téléphone, c'est bon. Ouais, t'as de la batterie? Ouais. Sinon, on a des stylos. On a plein de chargeurs, nous, de toute façon. Ok, je t'explique. Nous, on a inventé un jeu, c'est la rime facile. C'est assez simple. Ouais. On t'impose 10 mots. Attends, Chao, attends. Là, tu crois pas qu'il va plier le bail? Parce que rien que pour le jingle, il t'a fait 2, 3, 4, 5 séries. Ouais, mais ça se peut, c'était préparé, tu vois. On sait pas encore. Là, on est sûr, tu vois. En fait, je t'impose 8 mots, il t'impose 2 mots. En gros, tu as 10 mots imposés. Ok. On a encore 2 sons à toi à diffuser, qu'on va diffuser. Pendant la diffusion des sons, tu nous écris un petit truc. Ce que tu veux. Ça peut être un 16, ça peut être un 4, ça peut être un 32. C'est toi qui vois. Commenter, ouais. Minuit, on n'est plus là. Ouais, hein. Tranquille aussi, tu vois. Après, tu as le freestyle, tu vois, tranquille. Et une fois que tu nous fais ton a cappella, on passe au freestyle. Ok, ça marche. C'est bon pour toi? Alors, je vais te donner la liste des mots. La liste des mots, en fait, c'est assez simple. Je les ai pris en fonction de toi, de ton entourage, du titre de tes clips, de ton univers. Ok. Donc, je vais dire le premier mot, c'est Côte d'Ivoire. Bon, je sais que ça fait 2 mots, mais on va le compter comme 1. Le deuxième, c'est Jeff Prod. Le deuxième, c'est WRC Prod. Production, comme tu veux, tu vois. Le quatrième, c'est Atypique. Le cinquième, c'est Chacaleros. Le sixième, c'est Splinter. Le septième, c'est Kamas. Le huitième, c'est Kess. Et les deux derniers, c'est Jounes qui va te les donner. Beckham. Ça n'a aucun sens, les deux derniers, faut pas chercher. Lakers. Waouh! Tu nous as sorti un mot, frère. J'ai cru que t'allais remettre claquette. Ça fait 4 semaines, le mec, il met claquette en dernier mot. Claquette. Les mecs, ils sont obligés de poser claquette dans leur. Enfin, bref. Je redis. Vas-y, ouais. Côte d'Ivoire, Jeff Prod, WRC Prod, Atypique, Chacal Eros, Sprint, Splinter, Kamas, Kess, Beckham, Lakers. C'est ça. Ouais, c'est bon. Exact. Donc là, on va diffuser les deux derniers morceaux. Attends, je réactive tout ça. Il y avait Bang Bang et Oulala. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bang Bang d'abord. Bang Bang d'abord et Oulala par la suite. Ouais. Yes. T'es chaud ou pas? C'est bon? Je peux lancer les sons? Ok, il est 23h05 exactement. On a dépassé la barre des 50 degrés dans le studio. La 25e, on est là jusqu'à minuit. On va balancer deux sons, Bang Bang, Oulala, et après MA2D va nous faire sa rime facile. Ouais. On enchaînera le freestyle. T'as quelque chose à dire? Libérer la clim. Oh! Merci. Génial, génial. Je pense qu'on peut finir là-dessus. Merci. Les yeux dans les yeux, je vais tout dire. J'ai fait de mon mieux pour m'en sortir. J'ai dû esquiver tous les coups durs. T'inquiète, je suis proche de la sortie. Je te parlerai de mes blessures. Là, j'ai les mains dans les orties. Sur le cahier, j'ai que des rayures. Et je crois que la vie, gros, n'a pas de prix. Si tu demandes ce qu'ils m'ont fait, demande aux gens de la patrie. Il en faut plus pour ma pâtée. Merci, papa, je suis endurci. Merci, l'agent pour le sursis. Tant que tu tombes plus que le frisbee. Sans pitié comme dans Kill Bill. Sans pitié comme dans Kill Bill. Bang, bang, bang, bang, bang, ils nous font de la peine. Ils parlent beaucoup, je réponds pas, j'ai trop la flemme. Bang bang bang bang bang, bang c'est marche ou crève. Tu te frottes à nous, narvalo, on sait où tu crèves. Tu sais poto, je suis pas parfait, mais tout ce que tu dis on l'a déjà fait. Donc si ça marche on va leur faire taper des points comme leur père. J'ai pris du poids mais j'ai plus de pec. Je veux être gentil mais j'ai plus de pêche. Pour le wari on se disperse. Crois-moi y'a des baffes qui se. J'suis pas parfait. Laisse les parler. Savent que je suis énervé. Je les laisse tous parler. Parler. Je suis pas parfait. Laisse les parler. Savent que je suis énervé. Savent que je suis énervé. Bang bang bang bang bang, bang ils nous font de la peine. Ils parlent beaucoup, je réponds pas, j'ai trop la flemme. Bang bang bang bang bang, bang c'est marche ou crève. Tu te frottes à nous, narvalo, on sait où tu crèves. Dehors c'est chaud, c'est l'incendie. La nuit frérot c'est l'insomnie. J'ai bossé dur comme un ouaché. C'est la musique qui m'a choisi. Si je rate mon coup c'est du gâchis. Y'a beaucoup de gens qui m'ont trahi. Y'a que le mic que je manie. Pour ça il me faut de la maille. Bang bang bang bang, bang ils nous font de la peine. Ils parlent beaucoup, je réponds pas, j'ai trop la flemme. Bang bang bang bang, bang, bang c'est marche ou crève. Tu te frottes à nous, narvalo, on sait où tu crèves. Je dépenserai pas chez Armani. Je ferai les boys pour ma famille. Poto ça ne crie pas famine. Dis-leur à toucher affamé. Tu veux la rose et la fanée. Tu veux mon bien je dirais amine. On fera le taf que t'as pas fait. On fera le taf que t'as pas fait. J'suis pas parfait. Laisse les parler. Savent que j'suis énervé. Yeah, la 25e, on envoie, on attend. MA2D en train de gratter la rime facile. Yeah. Tout peut arriver. Je suis à deux doigts déprimé. Je te laisse mariner. Je crois qu'il n'y aura pas de rivaux. Ce qu'on a, on l'a mérité. toi t'es qu'un mytho. T'as des doutes qu'à vérifier. Moi je dis la vérité. Et je veux un mauvais dos. J'ai l'impression de l'éviter. Moi t'es pas mon vélo. Pourquoi tu veux m'astiquer? Les rappeurs sont vos codeurs. Ils sont pire que fatigués. Le rap ça fait peur. Pire que j'ai tamisé. Je les mets tous au tapis, tu veux la mettre au lever tôt. Moi et ma musique, on est versé depuis le verso. Je suis pas venu m'amuser, je vais fumer comme une Marlboro. Tu peux compter sur moi, mes couilles sont bien plus grosses qu'un taureau. Je vais signer M2D sur ton cul, appelle-moi Zoro. Je vais bouger ton cul, chéri, même sur du Yacalero. Bien sûr, je veux des love pour tous mes chacaleros. Vraiment, faut des love pour tous mes chacaleros. Moi, j'ai amri, oh là là. Tiahiyati, oh là là. On n'est pas prêt d'arrêter. Les gars sont tous apprêtés. Poto, il faut que vous sachiez. Qu'on vole à moi en sachet. Les gars sont tous validés. Tu l'as vu qu'on est fâché. J'suis beaucoup trop impliqué. Je déterre sur le cachet. Sinon je vais faire des plaisirs. Micro mon coéquipier. Crois-moi y'a plus d'amitié. J'connais des gens sans pitié. Bébé quittera la cité, ouais. J'veux des millions par millier, ouais. C'est Dieu qui m'a validé, ouais. C'est Dieu qui m'a validé, ouais. Moi j'ai amri, oh la la. J'ai ahiyati, oh la la. Moi j'ai amri, oh la la. Fais pas ce vie, oh la la. Oh la la, fais pas ce vie. Oh la la, oh la la. Yeah, on est toujours dans la 25e jusqu'à minuit. Il est 23h12. On est revenu dans les studios. On a allé reprendre un petit peu d'oxygène dehors parce que là, c'était trop. C'est toujours l'émission spéciale Emma 2D ce soir qui est dans les studios. On lui a imposé 10 mots pour la rime facile, comme d'hab, vous connaissez. Pardon, j'avais pas mis ton micro. Il me manque encore. Il te manque ? Après, ouais. C'est pas grave, tu vois. Au pire, on te mettra une note sur 10, tu vois. S'il te manque 2 mots, t'auras 8, tu vois. J'espère que t'auras au moins la moyenne. Il m'en manque 6. Il t'en manque 6 ? Vas-y, vas-y, on va dire que... Attends, je vais repasser. Tu veux que je repasse un morceau ? Si tu veux, je repasse un morceau hein, en attendant. Non, ça sinon je peux pas calmer, je le fais après. Non. Bah, là, on s'est changé en directeur artistique, c'est nous. Eh hey Jeff, on c'est va nous. Prendre ta place. C'est le bordel. Parce que c'est quoi l'histoire là ? Non, il lui manque des mots. Il manque quoi ? Vas-y, on va tous t'aider ensemble. Sinon, on t'aide, mais on n'est pas sûr de, tu vois, du sens ou du. Mais ça peut partir dans tous les sens. Eh, vous l'aidez pas beaucoup, hein. Donc, il te manque quel mot? WRC Prod, Atypique, Chacaleros, Sprinter et Lakers. Ah, il te manque beaucoup de mots, hein. Moi, déjà, je regroupe Sprinter et Lakers, tu vois. Ça peut faire une petite rime, mais vas-y, elle passe quand même. Tu vois. Ouais, Sprinter, Lakers, ça passe. Tu peux les faire. Maître Sprinters, il joue avec les Lakers. Facile. Ouais, mais... Facile. Facile, pas de sens, c'est génial. Est-ce que Kobalade a du sens dans ce qu'il dit? Non, mais il vend, il marche. Ça attaque encore. Mais non. Moi, tu sais quoi? Moi, ce que je propose, c'est que c'est pas grave si t'as pas tous les mots. Mm-hmm. On t'en voudra pas. Parce que de toute façon, juste après, il y a ton freestyle, gros. Donc, après, je vais envoyer les prods. Là, je vais commencer à installer ma caméra. Ok, ok. Plaque. Bah, vas-y, je le fais comme ça alors. Mais ce qui va si se passer, chaud, c'est que si t'as pas tous les mots, tu nous fais écouter le fameux son là. Non, je peux pas. Franchement, okay, je peux. Bon, on aura pas ça. En plus, on n'a pas les droits pour celui-là et tout. C'est le problème, ouais, c'est les droits. C'est un bordel. Ne vous inquiétez pas, on connaît le maire de Vesoul. ce qu'on va faire, Jounes. Est-ce que tu peux nous renvoyer un jingle? Ah oui, les droits de Sassem, vas-y. Après le jingle, Emma 2D nous fait sa rime facile. Sympa. Et après, j'envoie les instrus pour le freestyle. C'est bon ou pas? Okay, la Sassem, écoutez bien. Radio la 25e, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounes. 22h, minuit. Radio-sud.net. 101.8. Yeah. Et je garde l'espoir pour ma Côte d'Ivoire. Trop de jaloux, je les laisse sur le trottoir. Je roule un Kamas et je perds l'espoir. Par la coupe de Beckham. Désolé. Yeah. Vas-y, pull up, c'est reparti. Et je garde l'espoir pour ma Côte d'Ivoire. Trop de jaloux, je les laisse sur le trottoir. Je roule un Kamas et je perds l'espoir. Par la coupe de Beckham, donc fais pas la star. Passe à la caisse, il est jamais trop tard. Yeah, ouais, ça va, c'est vrai que tu t'arrêtes comme ça, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Il est jamais trop tard pour rejoindre Maître Splinter. C'est les faux rappeur, Jounes. Ouais, c'est bon. T'es chaud pour la partie freestyle ou quoi? Ouais. Bon, il est 23h16, on va... On va... Ouais, si quelqu'un veut prendre le micro, allez-y, s'il y en a qui veulent ambiancer, tout ça. Pour ceux qui veulent s'abonner, ajouter Emma 2D officiel sur tous les réseaux, Insta, Snap, le YouTube officiel, c'est pareil. N'hésitez pas. Tu peux te mettre debout, mets-toi à l'aise. C'est bon, t'es chaud ou quoi? Yeah. C'est parti. Dans la 25e. Yeah. La mado de la famille, check ça. J'ai pas beaucoup d'issues, mais je compte quand même m'échapper. Beaucoup m'ont trop déçu, donc je me dois d'être précis. Le micro c'est mon précieux, lui et moi on s'apprécie. J'ai l'écrou, j'ai de l'appétit, on a tous collé la petite. On fait nos bails petit à petit, on n'écoute plus les on-dit. Faut des sous pour le collectif. Sur le terrain, je suis possessif. Rien qu'on fait la div. J'ai confiance en ma destinée. Je le fais pour la mif. Pas besoin d'être validé. Rien qu'on fait la div. J'ai confiance en ma destinée. Je le fais pour la mif. Pas besoin d'être validé. Oh, eh, eh. Oh, eh, eh, eh. Oh, eh, eh, eh. T'es pas bonne qu'à faire la lessive. Je suis l'arme et toi t'es la cible. Je vois tes larmes, tu parais sensible. Pour ça j'ai de la bonne verre. Quand tu te prépares c'est pire qu'un casse-tête. On dirait que tu passes un casting. On dirait que le temps s'arrête. Bébé ce soir c'est moi le king. Rien qu'on fait la team. J'ai confiance en ma destinée. Je le fais pour la mif. Pas besoin d'être validé. Rien qu'on fait la div. J'ai confiance en ma destinée. Je le fais pour la mif. Pas besoin d'être validé. Oh, eh, oh, eh, eh. Oh, eh, eh, eh. Oh, eh, eh, eh. Emma 2D. J'ai des rêves plein la tête. Je dois éviter les ennuis. Je suis seul face à moi-même. Je vais me transformer vers minuit. Il se demande encore ce qui lui. Rien qu'on fait la div. J'ai confiance en ma destinée. Je le fais pour la mif. Pas besoin d'être validé. Rien qu'on fait la div. J'ai confiance en ma destinée. Je le fais pour la mif. Pas besoin d'être validé. Oh, eh, oh, eh, oh, eh, eh, oh, eh, oh, eh, eh, oh, eh, eh, oh, eh, eh, oh, eh, eh, oh, eh, eh, oh, eh, eh, oh, eh, eh, oh, eh, eh, oh, eh, eh, oh, eh, eh, oh, eh, eh, oh, eh, eh, oh, eh, eh, oh, eh, eh, oh, eh, eh, oh, eh, eh, oh, eh, eh, oh, eh, eh, oh, eh, eh, oh, eh, eh, oh, eh, eh, oh, eh, eh, oh, eh, eh, oh, eh, eh, oh, eh, eh, oh, eh, eh, oh, eh, eh, oh, eh, eh, oh, eh, eh, oh, eh, eh, oh, eh, eh, oh, eh, eh, oh, eh, eh, oh, eh, eh, oh, eh, eh, oh, eh, eh, oh, eh, eh, oh, eh, eh, oh, eh, eh, oh, eh, eh, oh, eh, eh, oh, eh, e enchaîne ou quoi? Ouais, attends. C'est bon. Yo. Emma de la famille Tchèque. J'ai rien dit à l'OPJ, t'inquiète on va les feinter. Vis ta vie à crédit, fais pas le brigante. Je te laisserai pas de répit, comme N'Golo Kanté. Je les mets tous au tapis, je me fais les yeux bandés. Ne fais pas le bandit, sur un os t'es tombé. Moi j'ai très peu d'amis, sur une main je peux les compter. Je vais te raconter ma vie, là t'es dans un bourbier. Je veux manier mon navire, le salaire d'un boursier. Donc j'accélère et je me demande quand vient mon heure. Ouais je persévère et tu te demandes si je suis des leurs. On est trop déter et je peux te jurer et ton jette pas de fleurs. C'est ton premier verre à la fin de soirée, j'aurais pris ton cœur. Donc lève ton verre, vas-y lève ton verre. Tu sais bien qu'on sert, ouais c'est nous on sert. Allez laisse nous faire, vas-y laisse nous faire. Donc lève ton verre, vas-y lève ton verre. Mais mon cœur est sali, chez toi me passe le salut. Touche un membre de l'ami, tu repars avec le SAMU. Poto faut pas que t'oublies, y'a personne qui va t'aider. Je suis en mode de yebi, mais j'ai pas crié mayday. J'ai beaucoup d'appétit, mais pas de quoi becter. Le rap c'est trop easy, mais rapport pas de lover. Viens t'asseoir par ici, regarde-moi les assommés. La plupart indécis, bientôt je vise le sommet. Posé dans ta piscine, je pourrais me mettre à rouler. Je commets des homicides, le rap se fait trouer. Montana te fascine, mais il se fait douiller. T'as vu que j'ai du style, tes rappeurs sont rouillés. Donc j'accélère, il me manque envers mon heure. Ouais je persévère et tu te demandes si je suis des leurs. On est trop déter et je peux durer et qu'on jette pas de fleurs. C'est ton premier verre à la fin de soirée, j'aurais pris ton cœur. Donc lève ton verre, vas-y lève ton verre. Tu sais bien qu'on gère, ouais c'est nous on gère. Allez laisse nous faire, vas-y laisse nous faire. Donc lève ton verre, vas-y lève ton verre. Bébé bang bang, M2D la famille dealer, on arrive lourd. On enchaîne ou quoi? Yo! La 25ème! Bang bang, écoute ça gros! M2D dans la maison. Ah. J'ai fait les 400 coups, j'suis parti de rien. Je sens plus ton pouce, j'espère que tu vas bien. On a visé la coupe, on te laisse le maintien. J'amène toute ma troupe, une équipe de martiens. Faut serrer les coudes jusqu'ici tout va bien. J'fais bouger ton boule, donc vas-y mets-toi bien. Le temps s'écoule, j'ai besoin d'un tremplin. Faut que tu caches ton boule, moi j'aime pas les cata. Et à trop de coups durs et beaucoup de bâtards. T'as volé ton flow, mon gava c'est pas bien. Et j'évite les coups de pute et les soirées d'un soir. Tu veux voir ma chute, mais gava c'est trop. J'ai la tête qui fume, j'ai roulé au ton car. On est soirée de bulle, j'veux la faire à Neymar. L'odeur du bitume, j'te cache pas, j'en ai marre. L'honneur de ma masse, ça j'me... On a charbonné. On a charbonné, normal qu'on est là, on va cartonner. On va cartonner, fais pas le baguera, il a tout donné. Elle a tout donné, fais même le canard, elle t'a michetonné. Elle t'a michetonné, ta master. On a charbonné, on a charbonné, normal qu'on est là, on va cartonner. On va cartonner, fais pas le baguera, il a tout donné. Il a tout donné, fais même le canard, elle t'a michetonné. Elle t'a michetonné, ta master. Rien que t'ouvres ta bouche, mais tu n'es qu'une balle tringue. Tu veux faire la course, mais gava j'ai pas le time, on t'a mis sur la touche. Tu parles de plein de choses, mais j'ai fait les trois quarts. J'suis bien plus déter que l'équipe des 300. J'ai mangé des pierres, pas mangé des croissants. J'm'attaque pas trop, j'te l'ai dit, j'ai pas le temps. J'veux être le patron, j'vous mets tous au parfum. On sait, tu parles trop, tu mérites des parfums. J'connais des barjots, t'inquiète, ils sont partants. Assez arrête ta go, fini à bout portant. Tu sors de tôle, ne revois pas dedans. J'ai roulé ma bosse, tu peux m'appeler le sang. J'le fais pour mes gosses, dois rattraper le temps. Les pieds dans la fosse, j'ai préparé les gants. J'ai du bon matos, c'est des bons trafiquants. On a charbonné, on a charbonné. Normal qu'on est là, on va cartonner. On va cartonner, fais pas le bagage. Il a tout donné, il a tout donné, fais même le canard, elle t'a michetonné. Elle t'a michetonné, ta master. On a charbonné, on a charbonné, normal qu'on est là, on va cartonner. On va cartonner, fais pas le baguera, il t'a tout donné. Elle t'a tout donné, fais même le canard, elle t'a michetonné. Elle t'a michetonné, ta master. Elle t'a mito, tu fais le gringo. elle t'a mis tout. Faut faire demi-tour. Tu kiffes cette go, que passe à Pablito. Elle t'a mis tout. Tu fais le gringo. On a charbonné, on a charbonné, normal qu'on est là, on va cartonner. On va cartonner, fais pas le baguera, il a tout donné. Il a tout donné, fais même le canard, elle t'a michetonné. Elle t'a michetonné, ta master, on a charbonné. On a charbonné, normal qu'on est là, on va cartonner. On va cartonner, fais pas le baguera, il a tout donné. Il a tout donné, fais même le canard, elle t'a michetonné. Elle t'a michetonné, ta master. Elle t'a mito, tu fais le gringo. Elle t'a mito, faut faire mito. Tu kiffes cette go. Bi! Un ma 2D la famille sur les ondes. Bang, bang, chaud, bang. Mon gars, chaud mon gars. Il fait déjà chaud, tu nous donnes chaud encore. Ah. J'ai le seum, seum, seum. Les gars faut des sommes, sommes, sommes. J'ai que de la frappe, frappe, frappe. Poto qui t'assomme, somme, somme. J'ai beau côté la trappe, trappe, trappe. Ma musique n'a besoin de personne. Le passé te rattrape, trappe, trappe. Mais ici t'impressionne personne. Y'a que Dieu qui m'impressionne. Dans tous les cas c'est lui qui donne. Les mecs ne sont pas que des hommes. Mais des fois y'a des vrais bonhommes. J'ai fait des bails assez sombres. Dans le game on m'appelle l'assassin. J'en aurai juste pour une seconde. Pour écouter ton baratin. J'ai le seum, seum, seum. Les gars faut des sommes, sommes, sommes. T'as croqué dans la pomme, pomme, pomme. Alors t'auras le feu, feu, feu. J'ai le seum, seum, seum. Les gars faut des sommes, sommes, sommes. T'as croqué dans la pomme, pomme, pomme. Alors t'auras le feu, feu, feu. On sait que ta mère se ronge les ongles. Papa est dans le baratin. Tu parles mais tu peux pas m'atteindre. Devant je ne pourrais pas t'attendre. Demain c'est loin, c'est pas maintenant. On sait déjà à quoi s'attendre. Si tu t'en vas c'est pas marrant. Tu sais bien qu'on fait pas semblant. Tu m'aimes mais je ne suis pas dedans. Ce soir j'ai fait le petit pas de danse. J'essaie de tenir la cadence. On veut faire bouger la France. Mon son c'est du haut débit. Un petit peu comme OGB. Remets son depuis le début. Je te fais disparaître Houdini. Je sais que là c'est que le début. Mais je vais pas m'inventer des vies. Faut que je passe à l'autotune. Pour pécho un max de thunes. J'ai le seum, seum, seum. Les gars faut des sommes, seum, seum. T'as croqué dans la pomme, pomme, pomme. Alors t'auras le feu, feu, feu. J'ai le seum, seum, seum. Les gars faut des sommes, seum, seum. T'as croqué dans la pomme, pomme, pomme. Alors t'auras le feu, feu, feu. Vraiment on n'est pas tout seul. Ego y'a du monde au stud. Y'en a qui meurent de faim. Et d'autres qui sont pététus. Je ne sens plus les coups. Ouais. Elles nous font tous marrer. On ira jusqu'au bout. Ouais. Je te prépare un truc de taré. Je te le jure sur ma mère. Qui sont pas prêts. Je les laisse faire les voyous, je te le jure sur ma mère, ils sont pas prêts. Ouais. Je les laisse faire les voyous, mais je vais pas te mentir, c'est pas trop mondaine. Mais dans ma team y'a des loups, elles vont me ralentir, leur soirée mondaine. Faut pas que je tise la grégouze, là j'ai coffré mon bis, j'ai roulé mon pet. Je suis pas de ceux qui prennent la picouse, mais tu sais ça va vite, tu veux casser ton tête. Tu peux même appeler tous les gousses. J'ai le seum, seum, seum. Les gars faut des sommes, sommes, sommes. T'as croqué dans la pomme, pomme, pomme. Alors t'auras le feu, feu, feu. J'ai le seum, seum, seum. Les gars faut des sommes, sommes, sommes. T'as croqué dans la pomme, pomme, pomme. Alors t'auras le feu, feu, feu. J'ai le seum, seum, seum. Les gars faut des sommes, sommes, sommes. T'as croqué dans la pomme, pomme, pomme. Alors t'auras le feu, feu, feu. M.A.D.D. M.A.D.D. la famille. Chaud, chaud, chaud. Je t'envoie la dernière ou quoi? Ouais. Toujours chaud, toujours chaud. Bang, bang, bang, bang. Écoute ça, gros. J'ai besoin de m'envoler et plus jamais revenir. Pas sale dans ma folie et ça tu l'as senti. Pas sale à la chantier, pourtant on s'est chanté. Ne fais pas le méchant, on sait que t'es gentil. T'as des problèmes d'argent, faut coffrer les centimes. Pas de médaille d'argent, et ça tu l'as compris. Le rap c'est un passe-temps et j'écoute plus les hontes. Parce que là j'ai pas le temps, t'aimes à tous qui m'ont pris. Y'a personne qui est partant, la fille qui sont partis. Même pas tant d'un carton, tu vas changer d'avis. Aïe aïe aïe aïe aïe. Wesh, y'a du monde dans les studios de Radio Sud ou quoi? Ouais ouais ouais. Eh, ma 2D la famille. Pull up ça mon gars. Bien sûr. 2K19, on arrive lourd la famille, t'inquiète même pas gros. Il est pas venu pour rien le khay. MA2D dans la 25ème. Chaud! J'ai besoin de m'envoler, puis jamais revenir. Pas seul dans ma folie, et ça tu l'as senti. Pas salaire d'un senti, pourtant on s'est chanté. Ne fais pas le méchant, on sait que t'es gentil. T'as des problèmes d'argent, faut coffrer les centimes. Pas de médaille d'argent, et ça tu l'as compris. Le rap c'est un passe-temps et j'écoute plus les ondes. Parce que là j'ai pas le temps, t'aimes à tout ce qui m'ont pris. Y'a personne qui est partant, ma fille ils sont partis. Même pas le temps d'un carton, tu vas changer d'avis. Dolly Dolly Gang, gang. Mon son dans les clubs, club. Dolly Dolly Gang, gang. Ne fais pas le dingue, dingue. Dolly Dolly Gang, gang. Ne fais pas le dingue, dingue. Dolly Dolly Gang, gang. Chez nous pas de balles, train. Y'aura pas de carton, on a baisé la biche. Je te demanderai pardon si t'aimes mon avis. Je veux être le patron et manier mon navire. Moi je suis pas ton daron, pas de conseil à dire. Ça t'attend les bras longs, on te l'a déjà dit. Y'aura que des jaloux, j'ai des gens comme Ali. C'est le mic que je manie, fuck Tony et Manny. Mieux d'avoir des ennemis qu'avoir oh, beaucoup d'amis. Je fais l'effet d'une barto, c'est moi son ami. Chargez pas la manette, j'aurai chez Konami. Elle fait la minette, c'est la bonne amie. On sort le compète, c'est la bonne année. 2002, ça c'est mon année. Renoir et Rebeu, pas prêt de s'en aller. Gang, mon son dans les clubs, club. Dolly Dolly Gang, gang. Ne fais pas le thug, thug. Dolly Dolly Gang, gang. Ne fais pas le dingue, dingue. Dolly Dolly Gang, gang. Chez nous pas de balle, ring. Eh, écoute ça frère, c'est pas fini. M'a dédé. Bang bang bang bang. Show, show, show. Ce soir c'est nous deux, je me fais remarquer. Tu sais ce que l'on veut, on veut tous marquer. Le club sort la beuh, tu t'es fait cramer. Danser sur la piste, c'est ta thérapie. T'as sorti le rallye pour toutes tes copines. Ce soir c'est nous deux, je me fais remarquer. Tu sais ce que l'on veut, on veut tous marquer. Le club sans la beuh, tu t'es fait cramer. Danser sur la piste, c'est ta thérapie. Pour toutes tes copines. Dolly Dolly Gang, gang. Mon son dans les clubs, club. Dolly Dolly Gang, gang. Ne fais pas le thug, thug. Dolly Dolly Gang, gang. Ne fais pas le thug, thug. Dolly Dolly Gang, gang. Chez nous pas de balle, thug. Dolly Dolly Gang, gang. Elle m'a donné la famille 2K19, t'inquiète même pas gros. Bang bang bang bang. Show, show, show, show, show. Elle m'a donné la famille. Show, show, show, show. Merci à vous, c'est vous, merci à vous. Voilà. Remerciements à tout le monde, Jeunesse, ouais. La dédicace, la force, on est ensemble, ça bouge pas les frères. Ça bouge pas, et la famille aussi, parce que moi je suis parigo, tu vois. Grosse dédicace au mec du 9-1, mec du 9-4, Jidou, Loubi Day Day, tu connais frérot, on est ensemble, Jay-Z, on est là, on est ensemble. Yes. Guillaume, t'avais quelque chose si, à dire si, si. Ouais. Hésite pas, hésite pas. Hein. Je voudrais dédicacer le beatmaker qui est venu avec nous. Qui ça? Le futur Lil Ben. Futur talent, mon gars. Qui ça? Viens au micro, toi. Ah, mais lui, les beatmakers, il se cache. Eh oui, discret. Ah, fais du beatbox maintenant. Oh Mais t'as pas entendu là, t'as pas le casque. Bizarre, bizarre. Voilà, reste dans ton, reste dans ton coin. C'est comment ton blast de beatmaker? Pour l'instant j'en ai pas, mais c'est Stronox, mais ils sont pas pour les gars. Ah ok, d'accord. Ouais. T'as déjà un directeur artistique aussi toi? Non. Ok. Bête chat typique. Il est dans le collectif. Bête chat typique. Okay. Allez ajouter Saïdine Jebabla sur Instagram, il y a des prods. Saïdine comment? S-A-L-A-H-E-D-D-I-N Jebabla. D-J-E-B-A-B-L-A-H. T'avais pas plus compliqué comme toi? Ouais, c'est... En fait, c'est ma page Instagram quoi. Le mec qui... Ok. Tu sais ce qu'on va faire? Ouais. Tous ceux qui veulent, qui veulent contacter le beatmaker, vous envoyez des messages sur le Insta de MA2D. Tous ceux qui veulent se mettre en contact avec, avec le jeune là qui fait des instrus. Sache que nous on a des jeunes aussi qui font des instrus ici si jamais tu veux te connecter. Bah en fait je fais ce qui m'inspire, j'ai beaucoup de. Enfin j'écoute beaucoup de styles donc j'essaie de faire. J'essaie de faire tous les styles en gros quoi. Ok. Moi je cherche un truc un peu pour faire des claquettes, tout ça. Yeah. On peut essayer de voir. Yes. Donc il y a des. Là il y avait tout le monde, il y avait le collectif atypique. Ouais. Prod, WRC. Mon gars, comment, c'est quoi ton blast, toi? Moi. Ouais. Moi, c'est Rafale. T'as vu, moi, je suis un ami d'enfance des MA2D. Ok. Et il m'a gentiment proposé de devenir backer. Donc, j'ai accepté. Tu vois, yes. C'est une nouvelle expérience pour moi, t'as vu? Ok. Et je le remercie beaucoup parce qu'il me fait partager beaucoup c'est d'émotions sûr. Avec les gens, tout ça. Et lourd. Il arrive lourd, il va tout niquer. Yes. Inch'Allah. Et gros big up à Joe. Si je peux me permettre. Bien sûr, vas-y. Joe Ladé, tu connais 9-1 frérot, on est là. Gros big up à Doudou, on est là, t'inquiète même pas. Et gros big up à Naïs, Déborah et tout ça. On est ensemble. Les frères frérot, et n'hésitez pas à aller voir le clip d'Irvine officiel, il est sorti. Okay, Irvine aussi, ouais. Ouais, ouais, Irvine 974 officiel. Irvine, viens nous dire un truc au micro. Il est où, Irvine? Donne-nous des conseils de. En pique-nique, en jouer au bassin. C'est qui elle? Mais t'inquiète, bébé. Tout est dans le bassin. Donc là, il y a Irvine qui est avec nous. Pour ceux qui ne savent pas, il a sorti un clip en mode un peu zouk, tout ça, enfin en mode complètement zouk même. Zouk love, hein. Ça va ou quoi? Ça va. Du coup, en fait, on enchaîne sur ton émission. Il est 23h35. Ah, on est à 25. J'étais pas prêt. Non, on est avec Irvine. Vas-y, explique-nous un peu qui tu es, ce que tu fais. Et comment profites-en, tu vois. Bah, je suis un nouvel artiste de Zouk Love. Je fais partie du collectif Atypique. Ok. Et c'est eux qui me produisent, en fait. Ok. T'es de Vesoul aussi, toi? Ouais, je suis de Vesoul. Hein. Ok. Tu vois, il y a du monde à hein, Vesoul. C'est un truc de ouf, hein. T'as, okay. T'as le plus beau t-shirt, hein. Merci. De la collection. Et où est-ce non, c'est faux, c'est moi. Et où est-ce qu'on peut retrouver tes clips, Irvine? Sur YouTube, Irvine Officiel. Instagram, pareil, Irvine Officiel. Irvine avec un H, hein, c'est H-I-R-V-I-N, ça, ouais. Ok, yes. Sur Facebook et puis Snapchat. Snapchat, c'est irvine.974. Ok, et la aussi, réunion, elle est là. La réunion, elle est là, ouais. Dans tous les pique-niques en costard. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. C'est son concept. Tout ce qui veut faire un pique-nique. Ok. Un petit dernier mot avant de s'en aller, les gars. Enfin, partez pas parce qu'on va faire les photos, tout ça avant. Faut. Moi, je pense que après vous, je pense qu'on va rendre tranquillement l'antenne. On va remettre. Cool, maman, j'arrive. On va remettre l'antenne tranquillement, la radio tranquille. On va prendre nos photos, on va chill un peu et puis après on y va, tu vois. Est-ce que t'as un truc à dire avant de t'en aller? Ouais, de ouf. Moi, je tiens grave à vous remercier, de ouf. Franchement, ça fait plaisir. Et comme je t'ai dit, tout ça pour moi c'est nouveau, c'est 2-3 mois, tu vois, je suis là, c'est énormément, merci beaucoup, franchement, de ouf. Je voulais te dire, si t'as, là du coup, si ton projet sort d'ici quelques mois, ouais. Nous on est déjà en train de préparer la rentrée prochaine, donc on aura d'autres formats, tu vois, pour les émissions, peut-être même okay. Faire 2 heures. Pour okay. Chaque invité. Bah, avec grand, grand plaisir. Voilà, donc si t'as un projet carré à venir nous présenter, on peut okay. on se check, tac. J'ai parlé déjà avec Guillaume pour WRC Prod. Mm-hmm. Voilà, on va inviter un peu. On va un peu élargir le truc aux assos, tu vois. Donc voilà, après pour les artistes, si t'as un truc à présenter, pas de problème, la porte est ouverte. Nous, on est là pour ça, tu vois. Donc, ok, bah, merci beaucoup, la famille. Avec plaisir. Donc les amis de Vesoul et plus loin, je vous dis à bientôt. Ouais, ne partez pas, on va prendre les photos. C'était l'émission spéciale MA2D. Donc ceux qui veulent retrouver ces clips, vous tapez MA2D officiel sur YouTube, MA2D officiel sur Insta, Snapchat, ce que vous voulez. On est partout. Ajoutez-le. Et puis, pleine force dans vos projets. Merci beaucoup. Je trouve que c'est bien parti. Et puis, vous avez de beaux objectifs. Donc, continuez comme ça. De toute façon, il n'y a pas de raison, hein, tu vois. Et même pour vous, pour la radio. Hein. Ouais, nous, tranquille, c'est ça, tu vois. Ça se développe. Ouais. Nous, tu vois. Important. On a fait la connaissance de Jeff, là. Nous, c'est bon. Là, on va serrer des mains. C'est lourd. Franchement, c'est lourd ce que vous faites. Franchement, lourd. Bon, on essaie. Tu sais quoi? Au pire, dans les 2000 euros, on prendrait une clim, mon pote, parce que là, c'est trop. Voilà. Ça serait pas mal. Il faut venir avec 2-3 t-shirts pour une émission, ça devient compliqué. Faut négocier avec Jeff. Ok, donc c'était l'émission spéciale MA2D sur la 25e jusqu'à minuit. On va sûrement rendre l'antenne. Attends. Ah, mais on pourrait même faire une émission autour de ce que fait Jeff. Ouais, en bien vrai. Sûr. En vrai de vrai. Mmh. Bien sûr. Ah, c'est WRC Prod, hein, après. Bien sûr. Ah, on est ensemble. Bah ça marche. Ce que je fais, c'est sous WRC. Ok, voilà. On se revoit à ce moment-là alors. C'est donc d'ailleurs, je passe un petit appel à toutes les assos qui font la promotion de la culture urbaine, Besançon ou autre, dans la région, tu vois, on va promouvoir le local. N'hésitez pas à nous contacter à partir du mois de septembre. On change nos formats, on invite tout le monde. Touche à la culture. Voilà. Si tu fais du ski urbain, si tu fais du poney urbain, du poney hip-hop. Viens. Si tu fais du break skateboarding. Du break sur mer. Du break sur... Voilà, tu viens dans l'émission, tu te présentes, tu nous présentes tes bails. Et voilà, ce soir on avait MA2D, la semaine prochaine ce sera quelqu'un d'autre, etc. On a... ça nous fait plaisir, nous, de faire vos premières radios, de vous voir tous là, on partage le bail. Merci et beaucoup, puis au plaisir de se croiser dans une autre vie, parce que là je suis en mode animateur, mais peut-être qu'on se croisera en mode rappeur, tu vois. Ouais, je capte. Faut voir avec Dieu. Je vais serrer. Si vous avez pas compris, serrer la main. Jeff, c'est comment pour le fish, voilà. Là, je vais aller taper dans le dos à Jeff. Yes, la 25e. En tout cas, vraiment merci frérot du fond du cœur. Voilà, merci énormément frérot. Pas de problème. Avec plaisir. Bon bah ciao, je te dis à la semaine prochaine. Bah attends, on fait comme les vrais animateurs, tout ça. Oui, et d'ailleurs, avant de dire ça, quoi? Demain matin, vous pourrez vous réveiller de bonne humeur avec notre ami Abdel dans la matinale de 7h à 9h. Je crois qu'à chaque fois je me trompe, ça doit être 7h, 9h30 ou 7h30, 9h. Je sais pas, à chaque fois je me trompe. Mais en tout cas, voilà, réveillez-vous avec Abdel demain matin, 101.8 radiosud.net. Salut, hein. Nous, c'était la 25e. Normalement, on est là jusqu'à minuit, mais je pense qu'on sera jusqu'à minuit, mais devant la radio et pas à l'antenne. Voilà. Ok. Bonne soirée à tous. Emma2D, merci, Jeff. WRC, Irvine. La famille. Un tchin tchin tchin. Je me souviens plus, merde. Je me souviens plus. C'est comment ton blaze? C'est comment ton blaze? C'est Rafale. C'est Rafale, excuse-moi. Merci à tous d'être venus. Ne partez pas qu'on fasse les photos. Ouais. Yes. Important. La 25e, show. Merci à tous nos auditeurs. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux, tout ça, vous connaissez. Et merci à Radio Sud encore de nous accueillir pour nos émissions. On vous souhaite une bonne soirée, la chaleur tropicale byzantine, avec notre ami Jounes et Loubloum Corporation. Les choses se passent en scred. T'inquiète mon pote, tu vas voir comment ça se passe. Allez, ciao. Big up the bad bitch, cause they treat me like king of the moon dog. Yeah, I'm a savage, some of them 21, some of them cougars. Yeah, automatic spasm, jumping in the crowd, just like Uzi. Yeah, black stallion, I'ma go flex and fly out to Cuba. Yeah, if you got good, let me hear you say hallelujah. Yeah. Flotiva vente que mexe com a mim. Quem tá presente, as novinhas ali, fica loucona e se joga pra gente. Eu falei assim pra ela. Vai treme o bumbum, tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tipo vai vazio. Vai com o bumbum, tam tam. Me tocou na volta, cê pole pra mim. Pole pra mim. Eu prendo o ambiente, eu tenho a Maria da Ramelin. Vai mexe o bumbum, tam tam. E eu tô quase. E depois de momento, ela se olvida de ti. Se olvida porque só le habla de joia, botella, dinero. Le damos lo que a ella le gusta, por eso es que estamos primero. Y yo le toco así, y yo le toco así. Y después de un momento, ella se olvida de ti. Radio Sud, Besançon. Besançon, 101.8 FM. J'ai pas changé combat du 7. J'ai pas retourné ma veste. Je collectionne les billets de 500. Bête mon genre dans l'hélico sur la concu. Je laisse mes sons. La vie ne fait pas le moine en survêt. Mais je fais rentrer comme un homme d'affaires. Maintenant c'est moi l'aîné chez moi. J'ai fini de régler toutes les dés de ma mère. 500 000 ici, 4-5 boîtes par là. Sur WhatsApp ou Bigo avec un gros 6. Ça détaille ici, ça piquera par là. Et quand y'a les coins des deux partout, ça crie. Et ça depuis tout petit. Que de spi, la baisse. Pas le plus rapide, mais le plus endurant. Qui survit. Comme j'ai augmenté le niveau. Je me défonce dans l'hélico. J'ai entendu dire à la radio que combat c'est quelqu'un. J'suis dans le R44 sa mère. J'suis dans le R44 sa mère. Et nique sa mère le jeu de paix. Mon chef de projet m'a dit que je streamais. J'suis dans le R44 sa mère. J'suis dans le R44 sa mère. Et regarde la montre que j'ai. C'est la sous-marine qui va dans la mer. J'suis plus dans le mec. J'suis plus dans le mec. Et je la ville en hélicoptère. J'suis plus dans le mec. Et je vois la ville en hélicoptère. Je vais vous dire la vérité. La rue n'est pas aussi simple qu'apparaît. Y'a des gros bâtards, des fils de pute, des mecs tu pousses, que t'as refait, t'as habillé, que t'as logé, que t'as nourri, qui te répondent plus. Y'a les pénuries, des sommes surprises, 48 heures ou 72 heures. Les gros jaloux, les moins que rien, les grands KO ou les comédiens. Les armes de guerre, les armes de poing, les mères qui pleurent, les guerres de terrain. Les chasses le jour, perquis aussi, c'est dur mais pas grave, on fait. J'ai pas quitté mon bendo, je disais mais tiens, du 7ème bâtiment. La vente de drogue contribue à nourrir ma famille, c'est notre quoi on mange. Elle veut que j'arrête, mais je peux pas. Même si je voudrais, bah je pourrais pas. Comment refuser une passe? Ah, comment tu peux refuser tes espèces? Je donne R44 sa mère, je donne R44 sa mère. Et nique sa mère, le jeu de paix. Mon chef de projet m'a dit que je streamais. Je donne R44 sa mère, je donne R44 sa mère. Et regarde la montre que j'ai, c'est la sous-marine qui va dans la mer. J'suis plus dans le mec. Et je vois la ville en hélicoptère. Je vois la ville en hélicoptère. Je suis plus dans le mec. Je suis plus dans le mec. Je vais assassiner. Et je vois la ville en hélicoptère. Et le monde est haut, on va m'attraper. Non, c'est mort. Radio Sud. Radio Sud. Yeah. Back home smoking legal. I got more slaps than the Beatles. Foreign shit running on diesel, dawg. Playing with my name, that shit is lethal, dawg. Who you see? What? Don Corleone. Trust me, at the top it isn't lonely. Everybody acting like they know me, dawg. Don't just say it now, you gotta show me what you gotta do. Bring the clip back empty. Yeah, asked to see the ball, so they sent me, dawg. I just broke her off with a 10-piece, dawg. There ain't nothing, I'm just being friendly, dawg. It's just a little 10-piece for it, just to blow it in the mall. Doesn't mean that we involved. I just put a Richard on the card. I ain't go playing ball, but I'll show you how the fuck you gotta do it. If you really wanna fall till you fall, when you're back against the wall, and a bunch of niggas need you to go away. Still going bad on them anyway. Saw you last night, but did it broad day. Yeah, a lot of murk caught me in a hard way. But got a sticky and I keep it at my dog's place. Girl, I left you loving magic, not saw shade. Still going bad on you anyway. Whoa, whoa, ooh, whoa, whoa, whoa. I can feel like 80 rats in my Amiris. Me and Drizzy back to back, it's getting scary. Back to back. If you fucking with my eyes, just don't come near me. Get out my way. Put some bins all on your head like Jason Terry. Richard Millie, cause a Lambo. Known to keep the baddest bitches on commando. Salute. Every time I'm in my trap, I move like Rambo. Ain't a neighborhood in Philly that I can't go. That's a Fendi. For real. She said, oh, you rich, rich. You rich, rich. Bitch, I graduated, call me Big Fish. Ballin'. I got Lori Harry on my wish list. That's Lori. That's the only thing I want for Christmas. Sorry. I been hit my way out, yeah, yeah, no, that's facts. Facts. You ain't living that shit you said, yeah, we know that's cap. That's cap. You ain't got the ass in when you see me, no, I'm straight. DTOVO, we back again, we going back. It's just a little 10-piece for it, just to blow it in the mall. Doesn't mean that we involved. I just put a Richard on the card. I ain't go playing ball, but I'll show you how the fuck you gotta do it. If you really wanna fall till you fall, when you're back against the wall, and a bunch of niggas need you to go away. Still going bad on them anyway. Saw you last night, but did it broad day. Radio Sud. Radio Sud. Radio Sud. Laisse tourner le son. Où sont les sourires au pied de nos tours? C'est pour les rêveurs qui ont des nuits plus belles que nos jours. Lyricistes bandes, c'est ça même. Refrain. You make me, you make me, you make me smile. Yeah.